السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نريد أن نحتفل بكلمات الشيخ محمد، لكن كان الإخوة لهم رغبة أن يطرحوا بعض الأشياء التي عندهم، فتفضلوا. D'après leurs appels téléphoniques, l'éloignement les uns des autres sans raison claire. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a mis en garde contre cela, ainsi que son envoyé sallallahu alayhi wa sallam l'a interdit que le musulman s'écarte de son frère en disant « Ne vous écartez pas les uns des autres, ne vous donnez pas le dos et ne rompez pas les liens les uns vers les autres. » Ne vous jalousez pas et soyez serviteurs d'Allah, frères. Et il dit aussi sallallahu alayhi wa sallam, celui qui s'écarte de son frère un an est comparable au fait d'avoir fait couler son sang. Et il dit aussi sallallahu alayhi wa sallam, il est interdit aux musulmans de s'écarter de son frère au-delà de 3 jours. Et le meilleur des deux est celui qui salue en premier. Une personne donc pourrait dire, je m'écarte de lui, car il est en lui, si et ça. Donc, on pense que cette personne est un innovateur. Donc, je te dis, notre frère, atteste avec la clairvoyance du soleil. En plus, donc en plein jour, sinon, ne le fais pas. Et s'il est affilié aux gens de la bid'a, suit leurs erreurs. Donc, et qu'il suit leurs erreurs et met en œuvre leurs règles, et qu'il ne leur est pas affilié à eux, donc il est affilié à eux, il aime et déteste pour eux, il est donc d'eux. Et cette décision, ou fais-toi, parviendrait des savants. Mais s'il commet une erreur, ou ce que l'on pourrait penser que ce soit une erreur, ou bien qu'il a entendu d'un tel parmi les bons frères, donc là où il y a sûrement eu ce qui perturbe ou pas, donc ça, ça ne se fait pas, donc cela ne se fait pas. S'écarter de son frère est un grand péché, tu ne peux pas le faire, sauf si la raison est plus évidente que la clarté du soleil. Sinon, le taxer sous prétexte qu'un jeune, donc peut-être prévienne contre lui, ou qu'il t'a dit une parole donc sur lui, vérifie la véracité de ses faits, puis vois si cette parole amène à l'obligation du hajj ou pas, et est-ce que cette parole est de l'innovation ou pas, fait-il partie des gens de la bid'a ou pas, et est-ce une erreur que l'on peut corriger. Mais juste du fait que tu dises, je l'ai vu en compagnie d'un tel, ou il est parti chez un tel, ou bien il est en compagnie donc d'un tel, donc possible qu'il a un bénéfice de la vie d'ici-bas qui est bien précise. Ou si tu le vois marcher avec un mécréant, est-ce que tu le sors de l'islam? Donc vous devez obligatoirement faire attention à ce sujet, s'écarter facilement entre jeunes pour les choses que ces gens-là donc, ne maîtrisent pas, ces sujets-là. Donc ces sujets-là ne sont pas maîtrisés, ni ne savent comment y remédier. Cela est interdit. On doit donc faire attention. Puis si un jeune prévient contre un tel, d'entrée, doit-on accepter son preuve? Donc doit-on accepter son preuve? On doit revoir ce sujet, sinon on va s'écarter de tout le monde. Et peu de gens donc seront préservés de paroles contre eux, ou critiques, ou moqueries parolières ou gestuelles. Et si on fait passer nos passions derrière chaque parole proférée, sans preuve, on s'écartera de tout le monde. Donc j'ai voulu que tu saches, que tu comprennes, que tu sois averti. Attention à ne pas s'empresser de juger les gens, attention au doute, car le doute est le pire des mensonges. Pour ceux qui croient, évitez beaucoup de conjectures, car certaines de ces conjectures sont des péchés. Ne vous espionnez pas, et que personne ne calomnie l'autre. et que l'un d'entre eux, est-ce que l'un d'entre vous aime manger la chair de son frère mort alors que vous détestez cela? Il suffit d'être considéré comme menteur alors qu'on répète tout ce que l'on entend. Attention à cela, ne vous empressez pas dans ce domaine qui va vous diviser. Réunissez-vous sur la même parole de la voix des gens de la Sunna, celle des pieux prédécesseurs. Donc, unissez-vous dans cette voie de vérité. Attention à cela comme il le faut. Deuxième point, j'ai remarqué aussi que l'on trouve de la bêtise et de la sottise chez certaines personnes ici dans ce peuple. On m'a fait parvenir dans beaucoup de cas de divorce juste. S'il y a divergence entre son épouse et lui-même, il la divorce. Et beaucoup d'entre eux ne se respectent pas. Ils ne patientent pas, s'énervent pour peu. L'envoyé sallallahu a dit, le fort n'est pas celui qui s'énerve de suite, mais le fort est celui qui contient sa colère. Et un homme lui demande un conseil. Et il dit, ne te mets pas en colère. Et cela trois fois de suite. L'entrée de Shaytan est de trois. Les passions, les ambiguïtés et la colère. Attention à cela. Donc Shaytan coule dans le sang, donc dans le fond des veines. Donc coule, c'est-à-dire dans vous, comme le sang coule dans les veines. La colère donc, peut amener à la mécréance, à la division, au divorce. Ou voir, donc la femme demande le divorce sans raison, légiférée. Et les deux doivent vivre en harmonie, vivant avec elle, donc dans le bien. Et troisièmement, aussi beaucoup de personnes se plaignent de sorcellerie, et il est possible que ce soit réellement de la sorcellerie, du mauvais œil ou être touché par un djinn. Les causes de cela sont nombreuses. L'éloignement du rappel d'Allah Azza wa Jal, la faiblesse de la foi, regarder et écouter ce qui est interdit, ne pas se protéger par le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire avec les invocations du matin et du soir, celle du voyage, lorsqu'on sort ou entre dans la maison, l'invocation lorsqu'on s'habille, même lorsque l'homme a des rapports avec son épouse, il faut être assidu au rappel d'Allah Azza wa Jal. Et Aïcha radhiyallahu anha rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam invoquait Allah tout le temps. Et ceux qui évoquent Allah Azza wa Jal debout, assis et allongé. Donc évoque ton Seigneur avec humilité et peur. Rappelez-moi, je vous rappelle. Remerciez-moi et vous ne reniez pas. Invoquez abondamment Allah Azza wa Jal et ne laissez pas Satan y avoir une entrée patiente sur ce qui t'a été touché. Il a encore mentionné ici donc, le fait de mentionner donc, la doua lorsqu'on sort de la maison. Quatrième point, certains exorciseurs demandent à la femme de montrer son visage. Cela est interdit. Donc pour qu'elle s'exorcise elle-même s'il le faut, et la Fatiha seule suffit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, donc qui te dit que la Fatiha est Ruqya, donc une grande Ruqya, tu peux donc y ajouter d'autres sourates, donc il a mentionné donc les dernières sourates, ainsi que soit al-Baqara, ayat al-Kursi et autres. Donc nous allons ici, donc c'était pour ce que le chef avait dit hier, donc nous allons donc maintenant reprendre. Donc, les questions avec Cheikh Abdallah. يقول السائل عندنا من يقول بعدم الرجوع الى العلماء او الى علماء المملكه العربيه السعوديه وغيرها زعما بانهم خارج أوروبا ولا يفقهون الواقع وهل هذا صحيح؟ Donc il y a chez nous ceux qui ne veulent pas revenir aux savants d'Arabie Saoudite ou à autres pays sous prétexte qu'ils ne connaissent pas notre situation actuelle ici en Europe. Est-ce que cela est vrai? Alhamdulillah, salatu wa salam wa ala rasulillah wa ba'd. Fahada hadihi da'wa bila dalil. Donc je dis que cela donc est donc des paroles sans preuve. والعلماء هم الذين يفقهون الواقع. Ce sont en réalité les savants qui connaissent la situation actuelle. العلماء هم الذين يدرسون المسألة دراسة كاملة من جميع جوانبها. Les savants ce sont eux donc qui étudient la question dans tous ses aspects. لا سيما المسائل الجديدة أو الحديثة. Spécialement les nouvelles affaires, les nouvelles situations. وأحيانا يجلسون الليالي والأيام وهم يسهرون على دراستها. Donc les savants donc passent leur temps donc nuit et jour pour justement donc étudier connaître ces sujets-là. وكم من قرار اتخذوه في الأمور الحديثة أو ما يتعلق بالنوازل الجديدة. Combien d'avis ils ont donné face donc à ces situations nouvelles. واتخذوا فيها القرارات الصائبة المتفقة مع كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. Donc vous donnez des avis, des décrets qui sont donc justes et qui sont conformes au Coran et à la Sunna, c'est-à-dire à l'islam. وعلى سبيل المثال. Et à titre d'exemple. اتخذوا قرارا يتعلق بجواز نقل الأعضاء بين الناس. Donc ils ont donné comme avis qu'il était permis donc de, c'est-à-dire de donner donc des membres, des uns envers les autres pour ceux qui ont besoin. Par contre, ils ont donc interdit la vente de ces membres. La même chose pour la fécondation in vitro. Donc ils ont permis cela à partir du moment qu'on est sûr que les médecins sont des gens sûrs. Donc la condition dans cela, c'est qu'il n'y a pas quelque chose qui serait mélangé du fait que ce serait donc le pardon que c'est de quelqu'un d'autre. Il faut qu'il y ait un mélange ici dans la descendance. Donc réellement, donc ce qui sera mis dans le spermatozoïde des autres sont réellement ici donc des deux époux légiférés. Et leurs savants sont ceux qui connaissent mieux la situation actuelle. Ceux qui prétendent cela ressemblent aux paroles de Mu'tazila anciennement. Lorsqu'ils disent, donc vis-à-vis des savants de l'islam, ils ne connaissent que les règles, donc ils ne connaissent que les sujets des menstrues et des logis. لأن العلم عندهم هو علم الكلام وعلم تأويل النصوص إلى غير معانيها. Et en réalité chez eux, ce n'est juste donc c'est juste la science de la parole et la science d'altérer les sens. والذين يقولون هذا الكلام يريدون أن نتبع بعض من يتكلم بالفضائيات في الفضائيات بما يخالف الشرع الحنيف. Ceux qui parlent de cela, en vérité, ils ne veulent juste qu'on suive donc ceux qui passent dans certains écrans et qui sont bien sûr en contradiction avec la législation qui est pure. Et ils veulent qu'on emprunte une voie qui est autre que celle des gens de la Sunna du consensus. Et la voie. Donc des gens qui sont en Europe, au Japon ou ailleurs, est une seule voie. Ainsi que les règles religieuses à suivre ne font qu'une. Ceux donc qui sont malades du cœur et ont une foi faible, et aussi, ils veulent en vérité que vous égardez. Énormément. Et que vous suivez les passions ainsi que les ambiguïtés. C'est pour cela que certains d'entre eux ont permis l'usure. Ainsi que de serrer la main aux femmes. De la musique aussi. ومنهم من يحل التوارث بين المسلمين التوارث بين المسلمين وغير المسلمين. ainsi que l'héritage entre musulmans et non musulmans. ومنهم من يجيز الاختلاط. certains ont permis de se mélanger donc avec le. ومنهم من يجيز التمثيليات والمسرحيات. ils ont aussi permis donc de faire du théâtre ou autre. ومنهم من يجيز التكلم في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. certains d'entre eux aussi ont permis de parler contre les envoyés, les compagnons du prophète صلى الله عليه وسلم. ومنهم من يتجرأ على رد الأحاديث الصحيحة بدعوى أن العقل لا يقرها. certains se sont même permis de critiquer donc des récits authentiques du prophète صلى الله عليه وسلم en disant que cela donc n'est pas conforme avec leur raison. ومنهم من يبيح المعازف والموسيقى. Et certains permettent donc la musique et les instruments de musique. فهل هذا هو فقه الواقع يا مسلمون؟ est-ce que c'est ça donc connaître l'actualité vos musulmans؟ هل فقه الواقع باستحلال المحرمات؟ Est-ce que connaître l'actualité, c'est rendre licite ce qui est interdit ? Est-ce que connaître l'actualité, c'est de délaisser le dogme authentique ? هل فقه الواقع بجواز المشاركة في الانتخابات والبرلمانات التي تقسم على الطاغوت؟ Est-ce que aussi donc le texte donc de c'est-à-dire l'actualité c'est aussi le fait de rentrer donc dans le parlement et de rentrer dans cette loi politique afin de jurer c'est-à-dire sur ce qui est à nous dans notre parlement. هل فقه الواقع في أن تخلع المرأة المسلمة حجابها وتذهب وتسير بين الرجال مبدية زينتها. Est-ce que l'actualité est le fait que la femme retire son hijab et qu'elle se balade, ça les rend auprès des hommes donc mal habillés. إذا كان هذا فقه هو فقه الواقع الذي يقصدونه فبئس الحال. Donc si réellement l'actualité qu'il dit c'est vraiment cela dans la situation est grave. والعلماء في المملكة. Et les savants en Arabie. لا يتجرؤون على الفتوى بغير علم. Ils ne se permettent pas de prononcer donc des fatwas sans science. بل لا يفتون إلا بما يوافق الكتاب والسنة. Mais plutôt ils donnent des fatwas en fonction et en concordance avec le livre et la sunna. ويدعون إلى تصحيح التوحيد أولا والعناية به. Et ils appellent à corriger et à authentifier l'unicité. وتخليصه وتحقيقه من شوائب الشرك والبدع والمعاصي. Et de se dénuer donc de tout ce qui va altérer donc le tawhid ainsi que les innovations et les péchés. ويدعون الناس إلى عبادة إلى إفراد الله تعالى بالعبادة ونبذ عبادة من سواه. Ils appellent les gens à unifier Allah subhanahu wa ta'ala et à s'écarter de ce qui est adoré en dehors d'Allah. ويدعون الناس إلى الاستقامة على كتاب الله وسنة رسوله قولا وعملا واعتقادا. Ils appellent les gens à être droits dans la rectitude, que ce soit dans le dogme, dans la parole et dans les actes. Et ils appellent à ce que les gens s'unifient et s'unissent à une seule parole. Ils appellent les gens à la voie d'Allah en toute rectitude. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. Voici donc ma voie droite, suivez-la et ne suivez pas les voies qui vont vous écarter de cette voie. Donc voici la recommandation, et suivez en espérant que vous craindrez. فيجب أن نعود إلى العلماء الربانيين. Il est obligatoire pour nous de revenir aux savants éducateurs. وأن نرد إليهم كثيرا وأن نرد إليهم جميع الأمور. Et de revenir vers eux dans toutes nos affaires. Et tous donc les sujets généraux. Et Allah dit si ils l'envoyaient, c'est-à-dire l'envoyer, il y a ceux qui détiennent l'autorité parmi eux, donc ils seraient, donc, c'est-à-dire, ils seraient ceux qui viennent donc donner les règles de cela. Et ils appellent à la voix des pieux prédécesseurs. Ceux qui n'exagèrent pas et ne délaissent pas. Ils n'exagèrent pas et n'ont pas de manquement. C'est la voie du juste milieu. Et nous avons fait de vous donc une voie du juste milieu afin que et aussi ils appellent au fait d'être assidus, d'être droit dans ce que Allah subhanahu wa ta'ala agrée. Et c'est eux dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit sur eux. Al-ulama warathatu al-anbiya. Les savants sont les héritiers des prophètes. Et les savants n'ont pas hérité de dinar et de dirham, mais ils ont hérité de la science, et celui qui a pris cela l'a pris d'une belle part. Il dit sallallahu alayhi wa sallam, يحمل هذا العلم pas science. من كل خلف عدو له. Parmi donc tous les successeurs, les justes de parmi eux. ينفون عنه تحريف الغالين. Ils rejettent donc l'altération de ceux qui exagèrent. وانتحال المبطلين. أي دعوة المبطلين. Donc aussi donc les prétentions de ceux qui rendent caduques les faux. وتأويل الجاهلين. Et la mauvaise explication des ignorants. فلا نسمع إلى من يغمز العلماء أو ينال منهم أو يتنقصهم فإنه على خطر. Donc il ne faut pas écouter donc ceux qui critiquent les savants et autres car ils sont en vérité donc dans le grand danger. ولعله ينطبق عليه قول الله قول النبي صلى الله عليه وسلم. Il est possible que ce que donc sous la parole du prophète صلى الله عليه وسلم. عن الله جل وعلا. Il mentionne de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est un hadith Qudsi. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. Donc celui qui est tombé en adversité avec mon allié, je lui ai donc déclaré la guerre. فالذي يعادي علماء السنة. Ceux qui sont en adversité avec les savants de la Sunna. فإنهم محارب لله ولرسوله. Ils sont en guerre avec Allah et son envoyé. ويخشى عليه أن يزيغ قلبه. On a peur que son cœur dévie. فلنتق الله عز وجل. Donc ils craignent Allah عز وجل. ولنرجع إلى العلماء في كل صغيرة وكبيرة. Et que l'on revienne aux savants pour toutes choses petites et grandes. ولا نستمع إلى آراء أولئك الملحدين. Nous n'écoutons pas, on ne va pas écouter donc les paroles de ces personnes-là qui nous. والبعيدين كل البعد عن الصراط المستقيم. Et qui sont loin, donc réellement loin de la voie droite. فإن العلم هم الذين يدلون الناس على الطريق الحق. Les savants, ce sont eux qui montrent les gens la voie droite, la voie de celle dont Allah a gracié. Donc, parmi les envoyés, les véridiques, les martyrs et les personnes pieuses. Et ce sont eux qui seront de bonne compagnie. Donc, l'imam Anas a dit : La yasrif akhiru hadhihi al-umma. إلا بما صلح به أولها. La dernière communauté ne pourra pas s'arranger que par le fait de s'arranger avec ce qu'a eu donc la première communauté. وإنما صلح أولها. Et la première communauté a été arrangée. باتباع هدي العلماء الربانيين. Par le fait de suivre les savants éducateurs. الذين يقضون بالحق وبه يعدلون. Ceux qui jugent en toute vérité et sont donc en toute justesse. نعم. هل يجوز أن ننتخب أخا سلفيا لكي يكون مسؤولا في المسجد حتى لا نضع الفرصة لأهل البدع؟ وكيف permis de voter pour quelqu'un une personne salafie pour qu'il soit responsable dans une mosquée afin de ne pas laisser la place aux gens de l'innovation؟ لا بأس باختيار أهل الحل والعقد للقيام على المسجد ولا يشترط أن يصوت عليه الجميع بل يختاره كبار طلبة العلم الذين يمكن أن يرجع إليهم في ذلك ويتولى كبار الإخوة وطلبة العلم الذين يعني يفهمون هذه الأمور ويفقهون في الدين هم يرشحون من يصلح لذلك ولا يشترط أن ينتخبه عامة الناس. Donc la réponse du chien dit qu'il n'y a pas de mal donc à ce qu'on choisisse donc une personne donc afin qu'elle soit responsable d'une mosquée. Il n'y a pas besoin que ce soit tout le monde. Donc c'est pas nécessaire que tout le monde vote. Donc, pas besoin de vote, mais si certaines personnes donc qui ont voté l'intelligence ou de science, certaines personnes de science, donc choisissent cette personne, donc à ce moment-là, cela est terminé. Donc, ce n'est pas conditionné de prendre toutes les voix et de rassembler les gens dans le Parlement. دون أن تكون هناك بيعات سرية أو دعاوى سرية في هذا الباب. Donc les personnes de science ou les personnes dotées de raison donc choisissent même soit en réalité ici donc une association qui serait secrète ou bien donc ici aussi une allégeance par rapport à cela. ولا يجوز التنافس على المناصب فلا يغضب أحدنا إذا يعني مثلا أبعد وجعل غيره. Donc, il ne faut pas s'énerver si ou se mettre en colère donc ça le passe aux responsabilités. Donc personne ne se s'énerve si par contre on n'a pas eu de la responsabilité. لا يكون همنا طلب المناصب. Car notre but n'est pas de rechercher les responsabilités. بل المسلم يرضى بأي وضع كان عليه متفق مع الشرع. La personne doit agréer chaque situation qui lui arrive, non pas que cette situation est conforme à la législation. Voyez Khalid ibn Walid qui était donc le chef des armées. Omar l'a retiré de cette place. Il a choisi donc ses abou Ubaida ibn Jarrah radiallahu anhu. فيرجع خالد جنديا عاديا من ضمن بقية الجنود. Il est devenu après cela un simple militaire. ولم يغضب لكونه نزل من القيادة وجعل جنديا. Il ne s'est pas mis en colère car il a été retiré de cette fonction. فإياكم أن تختلفوا على المناصب. Donc il ne faut pas que vous disputiez pour les places et les responsabilités. بل إذا كان هناك شخص مرضي الدين والخلق فلا يكلف بإشراف على هذه الأمور وتنظيم أمور المسلمين. Si il y a une personne dont on a la religion et le bon comportement, à ce moment-là, donc on le choisit pour qu'il soit responsable de cela, c'est afin de gérer les situations des musulmans. لأن كثيرا من الخلافات عند المسلمين تكون بسبب المناصب والتنافس عليها. Donc les divergences qu'il y a envers les musulmans sont souvent donc par rapport au fait de se concurrencer dans les responsabilités. Chacun d'entre eux veut vous gouverner. Et après, donc, ils se disputent. Ils se disputent et ils sont en adversité et animosité les uns envers les autres. En fait, ils recherchent des responsabilités de la vie d'ici-bas. Le prophète a mentionné donc le fait de gouverner. Et que c'est en réalité un regret. Si tu l'as demandé alors que tu l'as recherché, Allah ne va pas t'aider en cela. Et si tu en es devenu responsable, que tu l'as recherché, Allah va t'aider dans cela. Donc faites attention à ce sujet, au frère. سؤال ما هي نصيحتكم لنا جميعا بعد ذهابكم من هذا البلد علما بأننا قد نوجه إذاء مساء لمن بعد الكفار المتطرفين. نصيحتي لكم أن تستقيموا على طاعة الله. Mon conseil donc envers vous, c'est que vous soyez dans la rectitude et dans l'adoration d'Allah. Et donc faites des efforts afin donc de pratiquer votre religion. Dans le dogme, dans la parole et dans les actes. Et je pourrais la résumer dans ces cas, ces situations-là. الأمر الأول تقوى الله تبارك وتعالى. Premièrement, crainte d'Allah سبحانه وتعالى. وحقيقة التقوى امتثال أوامر الله واجتناب نواهيه. Et la réalité de la crainte d'Allah, c'est donc de mettre en application ce que Allah a ordonné et de délaisser ce que Allah a interdit. وتقوى الله تعالى هي امتثال أوامره واجتناب نواهيه وهي التي حث عليها الله الأولين والآخرين. Et Allah سبحانه وتعالى a demandé au premier et au dernier cela. قال الله عز وجل الله جي ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. Certes, nous avons recommandé à ceux qui ont reçu le livre avant vous ainsi que vous-même de craindre Allah. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت. Le prophète صلى الله عليه وسلم a dit crains Allah où que tu sois. الأمر الثاني deuxièmement الاستمرار في طلب العلم. Continuer et perdurer dans l'apprentissage de la religion, la recherche de la science religieuse. Le rechercheur de la science ne s'arrête pas à une limite bien précise, mais il va donc rechercher la science jusqu'à ce qu'il rencontre Allah Azza wa Jal. يقول النبي صلى الله عليه وسلم البروفيت صلى الله عليه وسلم من هما لا يشبعان طالب علم وطالب مال celui qui recherche la science et celui qui recherche l'argent وان نطلب العلم على ايدي العلماء السلفيين المختصين الذين يقضون بالحق وبه يعدلون donc de prendre la science chez les savants salafis qui sont spécialisés ceux qui jugent en dans la vérité qui sont justes dans cela. Ou par le biais de leurs livres et de leurs audios. Troisièmement, donc faire les efforts afin de donner soin, de prendre soin au tawhid. Et que rien ne passe avant. Quatrièmement, الجد والاجتهاد في التحلي بالأخلاق الفاضلة. Et aussi donc prendre soin à être doté d'un bon comportement. أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Les comportements du prophète صلى الله عليه وسلم. حيث يقول الله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم. Et Allah سبحانه وتعالى donc a dit de lui, certes tu es doté d'un bon comportement. وتقول أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها وأخذ الله من أبغضها وقلاها تقول كان خلقه القرآن. عائشة notre mère رضي الله عنها et qu'Allah donc le maudisse et abîme donc ceux qui la critiquent que certes son comportement était le Coran. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Et le prophète صلى الله عليه وسلم a dit إن أقربكم مني منزلا أحسنكم أخلاقا. Celui qui a donc l'assise la plus proche de moi c'est celui qui est doté du plus noble comportement. ويقول صلى الله عليه وسلم يجي صلى الله عليه وسلم وخالق الناس بخلق حسن comporte-toi avec les gens de la meilleure façon فعلينا ان نتحلى بالاخلاق الفاضله nous devons nous doter de bons comportements مع بعضنا entre nous وحتى مع المخالف même avec ceux qui sont en contradiction avec مع الثبات على الحق tout en restant raffermi dans la vérité dans la dans وحتى مع غير المسلمين même avec les non-musulmans مع الثبات على الحق tout en restant ferme donc affirmé dans la vérité وعدم التنازل عن المنهج on ne va pas donc donner ou délaisser donc quelque chose de notre voie et de la vérité الأمر الخامس cinquièmement معالجة الأمور برفق وشفقة ورحمة donc réparer arranger les choses avec douceur et miséricorde et compassion لا يكون هدفك الانتقام من أحد. Il faut pas que ton but c'est de te venger de quelqu'un. وإنما غرضك وهدفك هداية الناس إلى الدين الحق. Mais plutôt donc tu recherches ici donc à guider les gens et à les amener au bien. وانظر إلى ما وصف الله به نبيه صلى الله عليه وسلم. Vois comment Allah subhanahu wa taala donc a montré les caractéristiques du prophète صلى الله عليه وسلم. فبما رحمة من الله لنت لهم. De par la miséricorde d'Allah, tu as été doux envers eux. Si tu étais dur, au cœur cru, les gens se seraient sauvés de toi. Et il dit Ta'ala, certes, il est venu donc un envoyé de parmi vous. Donc il recherche donc ce que vous faites, là où vous avez été touchés. Et il est donc aussi toujours, il prend soin envers vous. Et il est doux et miséricordieux envers les croyants. وقد قال الله لموسى وهارون عليهما السلام. Il a dit envers c'est-à-dire face de Moussa et de Haroun عليهما السلام. عندما بعثهما إلى فرعون وقومه. Lorsqu'il les a envoyés vers Pharaon ainsi que son peuple. والله يعلم أنه لن يسلم. Et Allah sait qu'il ne rentre pas dans l'islam. لكنه أمرهما أن يرينا له القول. Mais Allah a voulu que notre peuple voit cela. فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. Donc dites-lui de bonnes paroles en espérant qu'il va réfléchir et craindre. والرفق ما كان في شيء إلا زانة. Donc à chaque fois que la douceur est venue dans quoi que ce soit, elle a toujours embelli cette chose. وما كان العنف في شيء إلا شانة. La dureté lorsqu'elle vient avec quelque chose, donc elle l'a. والله رفيع. Elle a dit. والله رفيق يحب الرفق في الأمور كلها. الله يدوب إلى من لا دوسور dans toutes les choses. والأمر السادس أو الخامس. السادس. Sixièmement. التحري في الأقوال والأفعال. وفيما تسمع من أخبار. Aussi de ce que tu entends. إياك أن تقبلها على علاتها. Donc, attention que tu l'acceptes, c'est-à-dire comme elle est venue. أو أن تتسرع في نقلها. Et que tu t'empresses à propager ces paroles-là. فتندم حينما لا ينفع الندم. Alors que tu vas regretter à ce moment-là, le regret ne sera pas profitable. أو تحدث فتنة للناس. Ou que tu sois la cause d'une discorde envers les gens. ولذلك علينا أن نحذر من قبول الشائعات. Donc, on ne doit pas accepter donc les propos. التي تنتشر هنا وهناك. Qui se propage partout. قال الله تعالى. الله دي. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. Donc dans le sens du verset, pour ceux qui ont cru, donc si interdit à vous avancer d'immanence, donc allez voir, donc recherchez donc la vérité sur cette annonce. On espère, sinon vous pourrez donc, c'est-à-dire le commettre un désordre donc, dans l'ignorance et vous regretterez cela. Huitièmement, donc, appelez assidûment aux gens à la guider, à la voie qui est la voie de vérité. Et patienter en cela. Même si on subit des conséquences. والمهم أن تثبت على الحق. Ce qui compte, c'est d'être raffermi dans la vérité. وتدعو إلى الحق. Et que tu appelles à la vérité. وتبينه للناس بدليل. Et que tu le montres aux gens avec ses preuves. حتى ولو قيل لك ما قيل. Même si on dit de toi ce que l'on dit. والأمر التاسع. Deuxièmement. هو ألا نستعجل النتائج. Et que l'on ne s'empresse pas pour recevoir des résultats. Donc on va plutôt donc, avancer pas par pas. Et en réalité, il faut voir loin. Pour propager donc, la voie salafie de toute vérité. Avec donc, des pas raffermis. وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وفق سنة هدي النبي صلى الله عليه وسلم. Donc en conformité avec la voix et la guidée du prophète صلى الله عليه وسلم. والأمر التاسع. العاشر. Dixièmement. الوضوح في دعوتنا. Il faut qu'on soit clair dans notre prêche, dans notre appel. فدعوتنا دعوة واضحة. Car notre prêche est une prêche donc claire et évidente. ليست دعوة خفية. Donc ce n'est pas une prêche ici et un appel qui est caché et que l'on cache donc pour les gens. Donc cela ne se fait pas en vérité dans les endroits secrets, tenus secrets. C'est un appel qui est clair et évident et qui a pris ses sources du livre d'Allah Azza wa Jal et de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec la compréhension des pieux prédécesseurs. Quelques pieux prédécesseurs ont dit: si vous voyez donc certaines personnes donc être en groupe, c'est dans un petit groupe, non, à l'écart, sans que la population voit cela, soit. بالأماكن الخفية. يكشف من هذا الأمر سكري donc leur leur. فعلم أنهم على تأسيس ضلالة. Sache qu'ils sont donc à la base d'un égarement. لأن دعوتنا دعوة واضحة علنية. Car notre appel est un appel qui est clair et évident et qui se montre au public. ليس عندنا دعوة سرية كما تفعله بعض الأحزاب البائدة. Nous n'avons pas d'appel donc qui est caché comme le font certaines sectes. فلنجتهد في ذلك. Et on doit donc faire les efforts envers cela. ولنصبر ولنحتسب. Et on patiente et on espère la récompense auprès d'Allah. إلى أن نلقى الله عز وجل. جسد jusqu'à ce qu'on le rencontre Allah Azza wa Jal. أخيرا وهناك أمور كثيرة لكن أختم بمسألة وهي عدم التسرع في الفتوى. فإن أجراكم على الفتوى أجراكم على النار. Celui donc qui se presse le plus à faire la fatwa, c'est celui qui se presse le plus à entrer en enfer. على المسلم أن لا يتكلم بكلمة إلا إذا كان متيقنا من دليلها. Que la personne ne parle si elle soit sûre de ses preuves. وأن يجتهد في تحري الصدق. La personne aussi doit faire les efforts afin de rechercher la véracité. يقول النبي صلى الله عليه وسلم. Le prophète صلى الله عليه وسلم. إنما أخشى على أمتي الأئمة المضلين. Donc certes, j'ai peur dans ma communauté, donc les imams qui égarent. ويقول صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا الله ما enlève pas la science par le fait de l'enlever وإنما يقبضه بقبض العلماء et la reprend par le fait de reprendre les savants حتى إذا لم يبقى عالم s'il n'y a plus de savants dans sur terre اتخذ الناس رؤوسا جهالا les gens vont prendre comme chef des ignorants فسئلوا فأفتوا بغير علم et ils sont questionnés et répondent sans science فضلوا وأضلوا Donc ils disent, ils ont égaré, donc ils sont égarés et ont égaré aussi. وَقَدْ قَرَنَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي الْقُرْآنِ Et Allah dit dans son livre الَّذِي يَتَكَلَّمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَقُولْ عَلَى اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ Celui qui parle, c'est-à-dire sur Allah sans science مَعَ الْمُشْرِكِينَ Il est donc avec les mushrikines يَعْنِ جَعَلَهُمْ مَعَ الْمُشْرِكِينَ Il fait donc il est avec les associateurs قال تعالى Allah dit قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. نصيحة الله interdit les turpitudes, celles qui sont cachées, celles qui sont donc voyantes et cachées. وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. Et que vous associez à Allah ce dont vous n'avez aucune preuve. وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. Et que vous dites sur Allah ce que vous ne savez pas. ويقول تعالى. Allah dit. ولا تقف ما ليس لك به علم. Ne recherche pas ce dont tu n'as pas de science. إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولًا. Donc certes, lui, la vue et les œuvres, tout cela seront questionnés. فَاجْتَهِدُوا وَفَقَنِ اللَّهُ وَإِيَّاكُمْ إِلَى الْعَمَلِ بِهَذِهِ فِي الْعَمَلِ اجْتَهِدُوا فِي تَطْبِيقِ الْعَمَلِ بِهَذِهِ الْوَصَايَا. Donc faites des efforts afin de mettre en pratique ces recommandations. فإن في ذلك خيرا كثيرا لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. Il y a beaucoup donc de bien pour celui qui va suivre ces recommandations, donc pour celui qui écoute et pour celui qui a le cœur pour cela. Non. هل يجوز للمسلم إهداء الملابس المستعملة Les fuqara et les muslimin. Donc peut-on donner nos vêtements usés à de non-musulmans Naam yajuzu dhalika la siyama in kana fi dhalika ta'libun li qulubihim la'alla Allah an yahdihum lil islam. Donc il est permis, et spécialement si on espérait que donc, ces gens entreraient dans leur cœur, on toucherait leur cœur et que les gens entreraient dans l'islam. Wa an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam rakhasa hat, yani. الزكاة تعطى حتى لغير المسلمين إذا طمعنا أنهم يهتدون إلى الإسلام. De la même façon que la zakat de mon légal, il est permis de donner aux non-musulmans si on est, si vraiment on voit qu'il y a donc ici le fait que la personne pourrait rentrer donc dans l'islam. وهم المؤلفة قلوبهم. C'est ceux dont on les rapproche de, donc ça leur rapproche leur cœur. والنبي صلى الله عليه وسلم. Le prophète صلى الله عليه وسلم. عندما قالت له أم حبيبة رضي الله عنها. أم حبيبة رضي الله عنها قديم عفوا عندما قالت له أسماء ديزولي دونك سي أسماء رضي الله عنها رضي الله عنها هل تصل أمها الكافرة؟ Est-ce qu'elle garde les liens donc elle tisse les liens avec sa mère qui est فأمرها بأن تصل أمها et il lui a ordonné donc de tisser les liens avec sa mère qui était mécréante والنبي صلى الله عليه وسلم le prophète صلى الله عليه وسلم قد أعطى بعض الكفار a donné à certains mécréants كثيرا من المال beaucoup d'argent طمعا في إسلامهم en espérant qu'ils entrent dans l'islam يقول سفيان رضي الله عنه يقول صفوان بن أمية رضي الله عنه صفوان بن أمية رضي الله عنه لقد أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن أسلم le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a donné avant que j'entre dans l'islam alors qu'à ce moment-là c'était la personne que je détestais le plus puis il m'a donné et il m'a encore donné jusqu'à ce que Allah entre l'islam dans moi et maintenant il est donc celle la personne que je préfère le plus que j'aime le plus Omar, avant la grâce de son père, lorsqu'il immolait et qu'il cuisait dans le feu, il disait aux gens de sa famille : est-ce que vous avez donné de la nourriture à vos voisins les juifs ? Donc il n'y a pas de problème. Donc il n'y a pas de problème en cela, c'est la dette donc le non-musulman. Si on voit qu'il y a, si on est, on le désire. والله تبارك وتعالى يقول. Allah dit. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقابلوكم في الدين. Cet Allah ne vous interdit pas d'être bon avec ceux qui ne vous attaquent pas dans la religion. ولم يخرجوكم من ديارهم. من دياركم. Ils ne vous ont pas sorti de vos demeures. أن تبروهم وتقسطوا إليهم. Afin que vous soyez. يعني تعدل معهم وتقسطوا إليهم. Soyez bon et juste envers eux. إن الله يحب المقسطين. Cet Allah aime ceux qui sont justes. وكان عمر رضي الله عنه يرد المظالم عن النصارى وأهل الكتاب الذين يعيشون في بلاد المسلمين. Donc il jugeait ça avec équité dans les injustices que subissaient donc les chrétiens qui vivaient sous son aile. Sous son aile. هل يصل إلى القدم أم يزيد القليل عنه؟ Quelle est la forme donc du jilbab légiféré? S'arrête-t-il au pied ou est-il plus grand et très au sol? صفة الجلباب الشرعي أو العباءة أنها تزيد على القدم وكانت الصحابيات يجرونه خلفهن شبرا. Donc la forme. يعني خلف طويل إلى درجة أنه يجر مع الأرض شبرا. Donc la forme de la عباءة donc de la femme et qu'il doit donc aller jusqu'au pied, même il dépassait. Donc il dépassait d'un enfant. Il est traîné par terre. Donc il faut que la musulmane donc un jilbab qui traîne, c'est-à-dire qu'il traîne par terre, qu'elle cache, qu'elle puisse permettre donc de cacher ses pieds. Dernière question. إذا ذبح نصراني ذبيحة بالطريقة الشرعية ولم يسمي الله عز وجل عليها أفنأكل من ذبيحته؟ إذا عرفتم أنه لم يسمي لا تأكلوا منها وأما إذا كانت مجهولة فكلوا منها لأن النبي نعم. Donc si un chrétien égorge une perte de façon légiférée, donc ne mentionne pas le nom d'Allah. Lorsqu'il égorge, donc peut-on manger de sa bête? Donc si vous réellement vous savez qu'il ne mentionne pas le nom d'Allah, donc ne mangez pas de sa bête. Mais si vous ne savez pas, il n'y a pas de danger. De la même façon que pour l'immolation du musulman. Si le musulman égorge une bête alors qu'il a fait exprès, donc il n'a pas exprès, en ce moment-là, donc tu ne manges pas. Mais s'il a oublié, donc s'il oublie, donc sa nourriture. S'il avait oublié donc de mentionner le nom d'Allah, dans ce cas-là, donc tu peux manger. Mais si tu ne sais pas, vous mangez. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a questionné. Donc il nous vient de la nourriture, on ne sait pas si est-ce que le nom d'Allah a été mentionné ou pas. فقال صلى الله عليه وسلم سموا الله أنتم وكلوا. Le prophète صلى الله عليه وسلم a dit mentionnez le nom d'Allah et mangez. نعم. إن أنا منذ ولادتي كفلتني عائلة أجنبية والآن اعتقدت اعتنقت الإسلام وفي هذه العائلة النساء والبالغات، فهل هن من المحارم أو من الأجنبيات؟ وما نوع العلاقات المباحة بيننا؟ Donc j'ai été placé dans une famille d'accueil dès ma naissance, puis là j'ai embrassé l'islam et se trouve dans cette famille donc des filles cubaines. Me sont-elles considérées comme des sœurs ou étrangères et quel type de relation est permise entre nous? ويجب عليك أن تبتعد عن الاختلاط بالنساء في تلك الأسرة، وأما إن كانت مسلمة أو كتابية مستقيمة فلا بأس أن تتزوج منهم، لكن كونك تجلس معهم وتخالطهم وتجلس مع النساء العاريات وما إلى ذلك هذا لا يجوز لك. كونك تربيت عندهم لا يبرر لك أن تنظر إلى غير محارمك، هذا لا يجوز أبدا. Donc je dis que même du fait que tu as donc été élevé chez eux, cela ne suffit pas. Donc ce sont des étrangers pour toi. Donc toutes les règles qui viennent donc, face aux étrangers donc doivent être donc respectées. Donc il t'est pas permis de discuter avec elle, tu n'es pas permis de rester avec elle, tu n'es pas permis de voir donc, ce qui est interdit. Et tu peux te marier avec elle s'il le faut. Donc de t'éloigner de cette famille. لا بأس أن تشكرهم على تربيتهم لك بما هو معروف بين الناس من الشكر العادي يعني. Donc tu peux les remercier de façon naturelle, c'est-à-dire dans ce qui est permis. لكن لا تبقى معهم إذا كانوا غير مستقيمين. Ne reste pas avec eux s'ils ne sont pas dans la droiture. نعم. سؤال أخير. السؤال إن في شرح الكتاب مقدمة الرسالة بكلام المؤلف رحمه الله وعلى الملك احتوى، ما معنى هذا القول؟ يعني معناه أن الله بكل شيء محيط. Donc dans le livre que l'on appelle Chibre, donc c'est la مقدمة الرسالة. Donc la parole de الملك احتوى, donc il dit que Allah سبحانه وتعالى donc englobe toute chose, donc à l'amour, comme quoi donc son royaume englobe aussi toute chose. محيط بهم قدرة. Donc il est par sa capacité. محيط بجميع خلقه قدرة. Et il donc englobe toute chose par sa capacité. وعلما. La science aussi. وقوة. La force. وإرادة. La volonté. فهو محيط بهم سبحانه وتعالى. Donc il englobe tout cela, il englobe tout le monde, tout سبحانه وتعالى. بحيث. Du fait. إنه قادر على عليهم جميعا. Il est donc il est capable de tout sur eux. وأنه لا تخفى عليه خافية. Et que rien ne lui est caché سبحانه وتعالى. وليس المراد أنه في داخله تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. Ça ne veut pas dire que il est donc nous sommes à l'intérieur de lui et qu'Allah nous soit exempté de cela. ولذلك يقول الله عز وجل والله من ورائه محيط. Donc certes Allah donc les entoure, les englobe, c'est-à-dire les entoure, et derrière eux. ويقول تعالى وكان الله بكل شيء محيطا. نعم. ولعلنا نكتفي بهذا السؤال نختم به. والله نسأل أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، كما نسأله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن نفس لا تشبع ومن عين لا تدمع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اجمع كلمة المسلمين على التوحيد. اللهم اجمع كلمة المسلمين على السنة. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة رسولك ونبي وعبادك المؤمنين. اللهم انصر دينك اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم أعد الأمن والاستقرار لبلاد المسلمين. اللهم اجمع كلمتهم على الحق. اللهم انصر من والاهم واخذل من عاداهم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أسأل الله تبارك وتعالى الذي جمعنا في هذا المكان الطيب أن يجمعنا وإياكم دائما على الخير، ثم يجمعنا في دار الكرامة في جنات النعيم، إنه لذلك والقادر عليه. وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ولا تنسوني من صالح دعائكم، وفقني الله وإياكم لكل خير، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.